Un blower, un cœur noir, j'suis comme Nino Brown. Ta bitch réclame, t'as ses bénis dans la baignoire. J'suis venu, j'ai vu, j'ai rap, là j'rappe en peignoir. Mon bigot qui fait j'rappellerai plus tard. Pull up des bitches dans mon Range Rover. J'suis en plein milieu des milieux, j'ai un flingue mauve. J'fais mes impôts vers et me joue dans ma Saint-Paul. J'remonte le H2, j'rentre au Pearl, j'ai dit 15 gold. Tu nous connais bien gros, j'te mets pas comme Jackie Brown. Il dit que tu vas nous c'est super win la finale. Heavyweight avec des cordes, j'nous mets des yeux noirs. J'sais que le number est un one et fini par un nine. C'est sous mes Tom Brown. Je les entends pas, j'serais là si j'avais ton âme, j'serais là si j'avais ton taille, mais j'en ai pas. Musique dans l'armoire, ça fait des années qu'on grame, ça fait des années qu'on canne, mais j'en dépend. Oh, ville et tout que j'ai, j'fais le tour de la ville en haut du noir, j'fume la blue haze. J'vais te clouer les mains, les pieds, les corps, les clous, hey. J'regarde le ciel, j'me soucie pas de leur avenir, ni de leur karma. J'sais qu'ici tout se paye. J'parle à la lune encore, j'vois ton reflet dans l'heure. J'parle à la lune encore, j'vois ton reflet dans l'eau. Ceux qui s'y tous paient. J'me regarde plus dans les yeux comme si c'était ma fin. J'connais quoi de ma vie depuis que t'en es sorti. J'parle de code, j'en sais plus, va manquer du temps. Les potes que t'es dedans sont toujours pas sortis. Un blower, un pierre noir, j'suis comme Nino Brown. J'suis venu, j'ai vu, j'ai rêvé, là j'rappe en peignoir. Pull up des bitches dans mon Range Rover. T'es eux des cagoules et plein de clothes. Trois noms dans le répertoire, j'fais comme Jackie Brown. J'suis trop méfié, j'ai encore mes morts en mémoire. J'mise ouverte, grande chaîne, mal au cervical. Dans ma tête ça fait bang bang, j'vais curer plus tard. Pull up des bitches dans la Red Room. Touche un peu ta chatte, j'suis en haut des charts. J'suis sur une affaire, t'es encore sur une track. Elle m'aime au fond, c'est pas d'où provient le charme. Mais je suis l'adjoint à joindre, je te montre pas comment m'y croire. Mille billets, tu prends la coupe en croyant c'est la pure. Mille billets qui mettent pas un putain de pied dans la pure. Mille billets, tu se demandes mon nom devant ces créatures. Je suis dans le monde à James Brown, je les comprends pas. Je serais là si j'avais ton chrome, je serais là si j'avais ton rôle, mais j'en ai pas. Tous mes projets, pardonne des billets noirs le soir. Je t'avais dit faut croire en soi pour les trous. Vu les goûts que j'ai, c'est le tour de la ville en revers noir, je fume la blue haze. Je vais te clouer les mains, les pieds pour les clous. Hey. Je regarde le ciel, je me soucie pas de leur devenir ni de leur karma. Ceux qui s'y tous payent. J'parle à la lune encore, j'vois ton reflet dans l'eau. J'parle à la lune encore. J'parle à la lune encore, j'vois ton reflet dans l'eau. Ceux qui s'y tous payent. J'me regarde plus dans les yeux comme si c'était ma fin. J'connais pas de ma vie plus que t'en es sorti. J'parle aux étoiles, j'en sais plus, va manquer du temps. Les potes que t'es dedans sont toujours pas sortis. Un blower, un pierre noir, j'suis comme Nino Brown. J'suis venu, j'ai vu, j'ai rêvé, là j'rappe en peignoir. Pull up des bitches dans mon Range Rover. Des eux des cagoules et plein de clothes. Je me regarde plus dans les yeux comme si c'était ma fin. Tu connais quoi de ma vie, tu es dans les envies. Je parle aux étoiles, j'en sais plus, va manquer du temps. Les potes que je te tente sont toujours pas sortis. C'est les rats.